Dire en allemand se dit sagen. Sagen, ça s'écrit S-A-G-E-N. Le S qui précède une voyelle en début de mot se prononce toujours Z, donc sagen, comme dans zigzag. Sagen, c'est le verbe qui zigzague. Alors, quel est le mot pour dire? Sagen. Sagen. À vous? Sagen. Comment dira-t-on au futur « vous me direz », c'est-à-dire « vous direz à moi » ? Sie werden mir sagen. Bien. Sie werden mir sagen. Ici, vous avez bien fait d'employer « mir » pour traduire « me », puisque « vous me direz » correspond à « vous direz à moi ». Donc, « mir sagen ». Sie werden mir sagen. Et maintenant, que me direz-vous ? Was werden Sie mir sagen? Bien. Was werden Sie mir sagen? Et vous me le direz. Sie werden es mir sagen. Bien. Sie werden es mir sagen. Et quand me le direz-vous? Wann werden Sie es mir sagen? Bien. Wann werden Sie es mir sagen? Et comment diriez-vous, en parlant de quelque chose, vous me direz où il est, car je ne peux pas le trouver? Sie werden mir sagen. Sagen. Encore une fois? Sagen. Ah. Ou, dans le sens de à quel endroit se dit. C'est un de ces petits mots qui commence en V, le W allemand. Connaître où vaut la peine. Vaut. Vaut. Et donc, où il est, où c'est, se dit. Wo es ist. Bien. Sie werden mir sagen, wo es ist. Car. Denn. Denn. Je ne peux pas le trouver. Ich kann es nicht finden. Bien, denn ich kann es nicht finden. Je sais, se dit. Je sais où trouver ces petites fleurs blanches. Ich weiß. Ich weiß, très bien. Et je ne sais pas. Ich weiß nicht. Bien, ich weiß nicht. Je suis désolée, mais je ne sais pas où c'est. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Mais. Aber. Aber, oui. Je ne sais pas où c'est. Ich weiß nicht. Où c'est. Wo es ist. Oui. Je suis désolée, mais je ne sais pas où c'est. Es tut mir leid. Aber ich weiß nicht, wo es ist. Je ne peux pas le trouver. Je n'arrive pas à le trouver. Ich kann es nicht finden. Bien. Je ne peux pas le trouver. Ich kann es nicht finden. Voilà. C'est la fin du cours d'introduction. À ce stade, vous devriez vous sentir à l'aise avec la langue que vous venez d'apprendre. Vous pouvez être fier de vous. Vous avez appris beaucoup de choses en très peu de temps. Merci. Fin du cours d'introduction. Voilà. À ce stade, vous devriez vous sentir à l'aise avec la langue que vous venez d'apprendre. Vous pouvez être fier de vous. Vous avez appris beaucoup de choses en très peu de temps. Merci.